Ça fait 3 semaines que j'ai pas appelé maman. Toujours une excuse, le taf, la vie c'est dévorant. Elle m'envoie des messages, réponds ça va, bisous. Sans vraiment parler, sans prendre le temps, c'est flou. Elle vieillit et je le vois pas assez. Ses cheveux grisonnent, ses mains fatiguées. Combien d'années il reste? 10, 20, 30, personne sait. Et ça me hante, c'est lent. Je me souviens d'elle jeune, 30 ans belle, qui m'emmenait au parc, me lisait des histoires belles. Maintenant, c'est moi qui devrais m'occuper d'elle. Mais je suis trop pris par ma vie, égoïsme cruel. Appelle ta mère avant qu'il soit trop tard. Appelle ta mère. Appelle ta mère, dis-lui que tu l'aimes ce soir. Les regrets arrivent quand on peut plus rien faire. Alors décroche ton phone, parle à ta mère. Mon pote a perdu la sienne il y a 6 mois. Quand c'est foudroyant, 3 semaines plus là. Il m'a dit j'aurais dû l'appeler plus souvent. Maintenant je donnerais tout pour l'entendre, 5 minutes vraiment. Ça m'a frappé fort, j'ai réalisé qu'un jour je serai à sa place, inconsolé. Ces coups de fil que je trouve chiant maintenant, où elle radote, répète, c'est pourtant des moments précieux que je gaspille bêtement. Parce que je suis trop occupé, trop important. Elle a tout sacrifié pour moi quand j'étais môme. Et maintenant j'ai pas 10 minutes, qu'elle fonde. Appelle ta mère avant qu'il soit trop tard. Appelle ta mère. Appelle ta mère, dis-lui que tu l'aimes ce soir. Porter tes rêves avant les siens. T'as bercé, nourri, aimé sans condition, lien. A veillé sur toi quand t'étais malade. Séché tes larmes à chaque fois que tu tombais, parade. Maintenant j'appelle chaque dimanche matin. J'écoute vraiment, je pose des questions sur son quotidien. Ses histoires de voisins, son jardin, son chat. Ça m'intéresse parce qu'elle compte, voilà. Je vais la voir plus souvent, on déjeune ensemble. J'apprends à la connaître comme adulte, on rassemble. Pas juste maman, mais une femme avec son parcours. Ses rêves, ses peurs, sa vie d'avant nous. Elle est émue, elle comprend pas ce changement. T'es bizarre en ce moment, elle dit en souriant vraiment. Non maman, j'ai juste compris que le temps file. Et je veux pas de regrets quand ça sera difficile. Appelle ta mère avant qu'il soit trop tard. Appelle ta mère, dis-lui que tu l'aimes ce soir. Les regrets arrivent quand on peut plus rien faire. Alors décroche ton phone, parle à ta mère. Appelle ta mère. Appelle ta mère. Avant qu'il soit trop tard. Appelle ta mère. Appelle ta mère. Dis-lui que tu l'aimes ce soir. Les regrets arrivent. Appelle ta mère. On peut plus rien faire. Appelle ta mère. Alors décroche ton phone, parle à ta mère. Pose ton phone, appelle-la maintenant. Dis-lui je t'aime maman, c'est important. Demain c'est pas garanti pour personne. Alors profite d'aujourd'hui, tant qu'elle résonne. Appelle ta mère. Appelle ta mère. Avant qu'il soit trop tard.